esprit, c'est ce que j'essaie de défendre depuis ma thèse, c'est que l'analyse en termes de parcours biographique doit toujours se faire en lien avec ce qu'on pourrait appeler des configurations sociales au sens de Elias, Norbert Elias. Et donc il y a un effet comme ça de miroir entre ce qui relèverait de contextes sociaux particuliers et des trajectoires biographiques. Donc ça, c'est en gros la problématique générale sur laquelle je travaille. Donc ce que je vais faire, c'est aborder la question de la consommation, et donc particulièrement la problématique du vieillissement et de l'alimentation. Donc mon propos, en fait, il va se construire de la manière suivante, c'est-à-dire partir d'un certain nombre de questionnements initiaux sur la question de l'alimentation et du vieillissement, pour vous montrer en fait comment peu à peu je suis arrivé à la question des parcours de vie de personnes âgées, et enfin vous montrer en quoi cet outil du parcours de vie est tout à fait pertinent pour comprendre en fait les enjeux autour de l'alimentation et d'une manière plus globale tout ce qui a trait finalement à la question du bien vieillir. Alors ça aussi j'y reviendrai au fur et à mesure. Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est faire une introduction générale sur la problématique alimentation et vieillissement, parce qu'elle me semble nécessaire pour comprendre précisément comment le parcours biographique vient réinterroger un certain nombre de catégories qui sont mobilisées à la fois dans la sociologie de la consommation et également dans la sociologie du vieillissement. Quelle est au fond la question initiale qui m'intéresse sur la problématique vieillissement-alimentation? C'est une question toute bête. Quelles sont les évolutions de l'alimentation au cours du vieillissement? C'est ça qui va m'intéresser. Et donc ça implique de saisir tout à la fois ce que c'est que l'alimentation des personnes âgées, pour ne pas dire les alimentations des personnes âgées, et donc leurs évolutions. Mais il y a une seconde question qui émerge là derrière. C'est quels sont les facteurs des évolutions alimentaires au fil du vieillissement. Et donc là, on voit déjà se dessiner en fait l'idée selon laquelle, en analysant les parcours de vie, on va repérer un certain nombre d'événements biographiques qui peuvent être susceptibles de transformer l'alimentation. Et donc là, j'essaierai de vous montrer comment la retraite, le veuvage, l'émergence de la maladie, etc., sont des événements au cours duquel, à travers lesquels vont se transformer certaines pratiques alimentaires. Et donc là derrière, il y a une hypothèse centrale qui est la suivante, c'est-à-dire qu'au-delà de facteurs biologiques et physiologiques qu'on connaît bien, donc tout ce qui est pour les personnes âgées, alors excusez-moi, c'est un petit peu sombre ce que je vais vous dire, mais les problèmes de mastication, les pertes de goût, les effets liés à la maladie, donc tous ces facteurs-là qui conduisent à transformer l'alimentation, eh bien, l'idée, c'est de postuler qu'il existe des facteurs sociaux, des événements biographiques qui vont conduire à modifier l'alimentation des personnes âgées. Et donc, de fait, c'est une problématique qui se situe à l'articulation donc, sociologie du vieillissement, sociologie de l'alimentation, mais qui ouvre à des problématiques plus générales qui touchent à la sociologie de la consommation, et sur lesquelles je vais maintenant, en fait, que je vais un petit peu développer. Sociologie de la consommation... de l'alimentation, je m'inscris en fait dans les enjeux plus généraux qui animent la sociologie de la consommation et qui touchent, je dirais par effet boule de neige comme ça, la sociologie de l'alimentation. Et donc, un des grands enjeux actuels en sociologie de la consommation porte sur la question des différenciations sociales des consommations et donc sur la question de la structure sociale des consommations. Et donc c'est une question centrale parce que si elle concerne l'aliment de la consommation en général, elle se répercute sur les problématiques de l'alimentation. Et donc ces deux objets, consommation et consommation alimentaire, ces deux objets autour desquels se cristallise aujourd'hui le débat autour du maintien ou non des différenciations sociales. Et alors pour vous résumer rapidement ce débat, en fait il y a deux thèses qui s'affrontent sur lesquelles en fait je vais par la suite essayer de me positionner, notamment au regard de la question des parcours. La première thèse, donc, qui est bien connue, hein, qui considère au fond qu'il y a la fin, ou disons un émiettement des classes sociales, un émiettement des différenciations sociales de consommation, un processus qui serait en fait lié à ce que Mandras a appelé la fameuse moyennisation de la société, et qui serait donc en fait expliquée par une moyennisation des modes de vie, une forme d'uniformisation des aspirations, tant individuelles, familiales, et qui conduirait au final à une forme d'individualisation croissante des pratiques de consommation, et en particulier des pratiques alimentaires. Et donc là, je vais renvoyer évidemment aux travaux de Mandras. Et donc cette thèse générale autour de la consommation, elle croise au niveau de la sociologie de l'alimentation, donc une thèse qui est défendue par Claude Fischler, donc qui est sociologue, et qui, lui, défend la thèse de l'individualisation des pratiques alimentaires et de leur uniformisation. Et donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit bien comment, en fait, la consommation et l'alimentation permettent de justifier l'émiettement de la structure sociale, l'émiettement des classes ou des groupes sociaux. À l'opposé, il y a une seconde thèse qui rejette donc cette première thèse de l'émiettement et qui considère à l'inverse le maintien des différences de consommation. Mais plus que ça, c'est cette idée d'un écart des consommations. Et je renvoie notamment donc aux travaux de Louis Chauvel qui ont explicitement porté sur cette idée du maintien de la structure sociale des consommations, dans laquelle il va en fait opposer les catégories populaires, et notamment les ouvriers et les employés, avec des catégories sociales supérieures. Et dans le cadre de la sociologie de l'alimentation, c'est surtout les travaux de Claude et Christiane Grignon qui sont intéressés à cette question, et donc qui ont montré depuis déjà pas mal de temps, au fond, que la démocratisation, l'abondance des produits alimentaires liés entre autres à l'industrialisation, à l'urbanisation, à l'élévation du niveau de vie, n'ont pas conduit à niveler les consommations alimentaires. Et dans cette deuxième thèse, je pourrais également citer, enfin renvoyer aux travaux de Jean-Pierre Poulain, également sociologue de l'alimentation, qui a montré, alors lui non pas, montre le rôle au moins de la PCS, mais surtout il montre le maintien de certaines cultures régionales locales extrêmement fortes, et notamment le transfert ou la diffusion de certaines formes de cultures régionales rurales en milieu urbain. Je reviendrai par la suite là-dessus. Donc ça, c'est le premier champ dans lequel je m'inscris. Deuxième, c'est plus précisément toutes les problématiques autour de la sociologie du vieillissement, qui est un champ extrêmement vaste et large. Et là, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est tout ce qui a trait autour des questions de prise en charge, et notamment de la prise en charge de ce qu'on appelle la dépendance, hein, c'est-à-dire tout ce qui relève de la prise en charge des personnes âgées qui ont des problèmes de perte d'autonomie, bon, je pense que vous connaissez. Et donc ça, c'est au fond le terrain que j'ai développé qui m'a amené tout doucement à intégrer la question du vieillissement à travers cette perspective de la prise en charge de la dépendance. Et donc, la question de la dépendance, elle est fondamentale parce qu'elle vient se greffer à un enjeu sociétal plus global qui est celui du bien vieillir et qui s'exprime notamment à travers un certain nombre de politiques publiques et en particulier le Programme National Nutrition Santé, donc, qui est un programme soutenu par l'État et qui fait des personnes âgées une population cible parce qu'elle est jugée population à risque en raison des risques de dénutrition. Et l'objectif de cette politique publique vis-à-vis des personnes âgées, elle est au fond d'améliorer l'alimentation des personnes âgées et notamment à travers tous les intermédiaires qui prennent en charge les personnes âgées, je pense notamment aux services infirmiers, services d'aide à domicile. Et donc toute une partie du travail que je fais actuellement intègre cette dimension des politiques publiques autour de l'alimentation, sur notamment la question de la prise en charge à domicile. Et là, je pars en fait d'un constat, à partir d'une synthèse de la littérature que j'ai faite, à savoir que s'il y a une littérature sur la prise en charge, et notamment sur la façon dont s'organise la prise en charge des personnes âgées, donc cette littérature est extrêmement riche. Par contre, il existe très peu de travaux qui vont étudier la prise en charge et ses effets sur la vie quotidienne des personnes âgées, et notamment sur la question de l'alimentation. Et je vais essayer de vous montrer en fait comment la question du parcours de vie permet de réinterroger toute cette problématique, notamment autour de la dépendance. Alors, cette problématique générale, en fait, je l'aborde à travers trois axes de recherche. Donc ici, je vais me centrer surtout sur les deux premiers. Donc ce que je vais faire, c'est je vais développer ces axes, et en fait je vais développer les problèmes méthodologiques au fur et à mesure, c'est-à-dire que plus intéressant, pour arriver en fait sur la question précise des parcours de vie. Il y a un deuxième point qu'il faut que je souligne, c'est que travailler sur l'alimentation, c'est extrêmement complexe, parce qu'on est confronté à un problème lorsqu'on travaille même surtout de manière, je dirais, qualitative, à la difficulté à saisir ce que c'est que l'alimentation au quotidien, ce qui oblige, en fait, ça oblige à inventer des outils, là aussi je reviendrai là-dessus, pour savoir, ben voilà, comprendre ce que les gens mangent au jour le jour. Donc, si je s'amusais à vous demander ce que vous avez mangé hier soir, hier à midi, avant-hier, il y a un effet de mémoire extrêmement limité, on ne se rappelle pas. Donc il faut inventer des outils qui nous permettent d'arriver à repérer comme ça l'alimentation sur la vie quotidienne. Enfin, dernier point important, je me centre sur les pratiques alimentaires et donc tout ce qui relève des représentations sociales qui lui sont sous-jacentes. Et par pratique alimentaire, j'entends tout ce qui relève de l'approvisionnement, tout ce qui relève des façons de cuisiner, tout ce qui relève des plats préparés. Autrement dit, tout ce qui va relever de ce qu'on achète, de ce qu'on appelle les actes de préparation, et donc de ce qu'on va consommer. Donc c'est ces trois moments, en fait, dans une espèce de chaîne de production alimentaire qui m'intéresse. Premier grand questionnement qui m'intéresse, il porte en fait sur ce que j'appelle la grande question de la différenciation sociale des consommations. Et donc c'est un axe de recherche qui est important, parce que c'est aussi à travers sa critique que je me suis intéressé à la question des parcours de vie. Alors non pas que dans le temps, ça ne s'est pas fait dans un premier temps en quête statistique et après quali. C'est simplement vous montrer en fait comment une approche quantitative apporte un certain nombre d'éléments de réponse qui sont en fait insuffisants. Alors, premier axe de cette recherche porte sur la question des... Voilà, est-ce qu'il y a oui ou non une différenciation sociale des consommations chez les personnes âgées? Donc là, je vais en fait travailler sur un certain nombre de variables comme la PCS, l'âge, le sexe, mais également la situation domestique. C'était avant les catégories socio-professionnelles, ça s'appelle maintenant profession et catégories sociales. En fait, c'est l'idée qu'avant on considérait qu'à une profession correspondait à un certain type de vie. Aujourd'hui, on sait que c'est pas aussi simple. Donc, ma profession peut associer différents types de vie. Donc ça, c'est une évolution des nomenclatures qui est même pas très récente en fait. Mais c'est vrai qu'on entend beaucoup les deux sont toujours utilisés en fait. Et donc là, par rapport à ces différentes variables, ce que je cherche à faire, c'est à savoir si on peut repérer comme ça des spécificités alimentaires propres à des groupes, etc. Donc, du point de vue méthodologique, je travaille à partir de données statistiques qui sont issues de différentes enquêtes par questionnaire. Soit c'est des enquêtes qui ont déjà été faites, mais sur lesquelles j'ai la chance d'être autorisé à utiliser les données, soit c'est sur les enquêtes sur lesquelles je participe sur lesquelles je participe. Juste pour vous situer, est-ce que c'est important, une première enquête qui a été menée donc au laboratoire de l'INRA dans lequel j'étais avant, donc c'est une enquête européenne qui a été menée en 2003, donc qui s'appelle Health Sense. C'est une enquête donc qui portait sur un échantillon de 800 ménages, et donc j'insiste bien sur l'idée de ménage, parce qu'après je vais en faire une critique justement. Et donc 800 ménages comportant au moins une personne âgée de 60 ans et plus. Et donc c'est des ménages qui sont composés de personnes vivantes, seules ou en couple. Et parfois vous avez des personnes qui cohabitent avec un autre membre de leur famille, ça peut être un enfant, une nièce, un oncle, une tante. Donc c'est typiquement un échantillon qui a été construit par une méthode de quota, hein, sur la base du recensement 99, et qui donc intègre un certain nombre de variables comme la CSP, la région, le type d'habitat, etc. Et ce qui est important ici, c'est qu'avec ce questionnaire, en fait, en termes de par projet... 800 ménages, c'est pour la partie française. C'est que française, oui. Parce qu'en fait, ils avaient fait une étude comparative sur plusieurs pays européens. Il y avait l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne et la France. Et là, je parle vraiment que de la partie française. Je n'avais pas spécifié. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est que sur cette enquête, qui avait tout ce volet en quelque sorte sociodémographique, mais il y avait un volet, ce qu'on appelle carnet de consommation. Donc les gens, pendant une semaine, ils vont remplir... ils précisent l'ensemble des achats alimentaires, hein, pendant une semaine. donc là, en fait, c'est une enquête qui porte sur les paniers alimentaires. Ça aussi, c'est un point important, puisque je vais vous montrer en fait quel est l'intérêt du parcours biographique par rapport à cette question. Et donc moi, je n'ai pas travaillé directement sur cette enquête. Par contre, j'ai pu mobiliser en fait un certain nombre de données, et notamment pour raisonner sur la question de différenciation sociale. Après, il y a une deuxième enquête qui s'appelle, donc là c'est aussi un projet ANR, qui s'appelle Compte à l'image, qui est sous la direction d'un nutritionniste, peut-être que vous connaissez, Serge Herbert, c'est l'inventeur des 5 fruits et légumes, vous connaissez tous la publicité, à manger 5 fruits et légumes, et faites du sport. Et alors eux, ils travaillent en fait sur une enquête longitudinale depuis plus de 10 ans, sur une population de ce qu'on appelle les suivimaxiens, donc il y a 8000 personnes en France, de plus de 60, enfin, c'est même plus de 55 ans, qui sont suivies depuis 10 ans. Et donc là, il y a tout un volet sociologique, sociodémographique, puisqu'ils nous ont demandé en fait d'intégrer une enquête typiquement sociologique sur tout ce qui porte autour de l'alimentation. Et donc en fait, on a travaillé sur un questionnaire sur une base de 3800 individus au final. Donc c'est un questionnaire qui comprenait en fait un volet sur les caractéristiques sociodémographiques, un volet sur le logement, un volet sur tout ce qui est approvisionnement alimentaire. Et puis, un volet alors très intéressant sur tout ce qui était type de produits consommés. Donc, une liste de 71 produits répartis. 71 produits, et pour lesquels une des questions était de connaître les raisons de non-consommation. Alors ça, c'est un point important, parce que ça n'a jamais été fait. Raison de non-consommation, donc en fait, on leur a donné une liste de réponses. Il y avait 19 réponses possibles. Et donc ça, c'est des réponses qu'on avait tiré en fait d'une pré-enquête qualitative. Donc pour vous donner un exemple, pourquoi vous n'avez pas mangé, je sais pas moi, vous mangez pas de kiwi par exemple. Donc type de réponse, c'est trop cher en général, ou je ne l'aime pas, ou un membre de mon ménage ne l'aime pas, ou mon médecin me le déconseille ou me l'interdit, etc., etc. Donc il y avait 19 réponses possibles qui étaient donc issues des entretiens quali qu'on avait fait avant. Et donc bref, pour vous résumer très vite, en fait, ce qu'on voit sur les 3800 entretiens, ce questionnaire, c'est qu'il y a une... Il y a en fait deux types de réponses qui vont se dégager. C'est que soit on ne consomme pas pour des raisons strictement liées à des habitudes alimentaires, donc là il y a 3-4 réponses qui reviennent tout le temps, soit parce que c'est des raisons, pour des raisons de santé. Donc là je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais ce qui est intéressant de voir après, c'est comment ça va se combiner en fonction des types d'aliments et de voir s'il y a des liens entre les aliments en fonction des réponses. C'est-à-dire, est-ce que le fait que je ne mange pas de fromage parce que je considère que ce n'est pas bon à la santé, est-ce que ça va avoir un impact sur le fait de consommer ou non d'autres types de produits laitiers? Et est-ce qu'on... Bon. Donc tout ça pour vous dire que l'intérêt de ce questionnaire, c'était de dégager finalement ces deux grandes tendances entre je ne consomme pas pour des raisons finalement médicales et d'autres parce que en fait c'est lié à des habitudes, soit à des problèmes du goût, donc à vraiment la question des habitudes alimentaires. Et ça, ça m'intéresse parce que quand je vais traiter la question à travers les parcours de vie, justement, on voit comment ces deux catégories-là, ben, en fait, elles s'interprénètrent complètement. Et enfin, troisième enquête importante aussi, donc c'est là un autre projet ANR qui s'appelle ALIZIRS, donc qui est porté cette fois-ci par Pierre Chauvin, donc qui est un professeur et directeur à l'INSERM, et donc là qui porte précisément sur les déterminants socio-économiques, psychosociaux et territoriaux des comportements en matière d'alimentation. Donc là aussi, c'est un suivi de cohorte qui est fait en fait en Île-de-France, une cohorte qui est suivie depuis 10 ans également. Et donc, elle porte sur des échantillons représentatifs de plusieurs quartiers parisiens qui ont été choisis en fait en fonction de leurs spécificités. Donc, quartiers considérés comme populaires, classes plus ou moins supérieures, etc. Et donc là aussi, il y a un volet sociologique beaucoup plus poussé cette fois-ci sur l'alimentation et les pratiques alimentaires. Et donc, c'est ça aussi qui permet de donner un certain nombre de supports statistiques sur la question de la différenciation sociale. Alors, ce que je vais faire, c'est vous donner des résultats. J'ai fait une sélection parce que c'est ces résultats-là qui me permettent, après moi aussi, de, à nouveau, donc ce que je dis toujours, de rentrer sur la question des parcours biographiques en montrant les critiques qu'on peut faire à la question, enfin, aux apports de l'enquête statistique. Donc, pour résumer, donc déjà, il y a trois grands domaines qu'on peut dégager de ces analyses statistiques. D'une part, on a des données sur tout ce qui va relever des paniers alimentaires, c'est-à-dire tout ce qui relève de l'approvisionnement. Et donc ça nous donne à lire ce que les gens achètent. Alors j'insiste bien sur l'idée d'acheter, parce que ce n'est pas parce qu'on achète qu'on consomme. Et donc un des grands enjeux de la sociologie de l'alimentation, c'est l'écart entre ce qui est acheté et ce qui est consommé ou non consommé. Ça c'est le premier point. Et donc dans le cadre des personnes âgées, c'est une question qui est centrale, parce que... On sait qu'avec une avancée en âge, il y a une diminution de l'alimentation chez les personnes âgées, et donc il y a des choses qui ne se consomment plus. Donc, c'est une question qui nous intéresse. Deuxième type de données qu'on peut récupérer, c'est tout ce qui a trait au lieu d'approvisionnement et la fréquence de fréquentation de ces lieux. Et donc là, ça nous renvoie à la question de la diversité ou non des lieux d'achat. Et donc ça aussi, c'est une question centrale du point de vue des personnes âgées, parce que plus on vieillit, plus on devient dépendant. Plus on devient dépendant, plus on a de difficulté à se déplacer, plus on a de difficulté à se déplacer, plus on a de difficulté à aller dans les magasins où on est allé habituellement. Et donc là, tout ça peut conduire à transformer. Et vous allez voir comment, en fait, la question là aussi du parcours de vie apporte des éléments de réponse extrêmement intéressants. Et enfin, troisième type de données qui nous intéresse, c'est tout ce qui a trait aux produits alimentaires, et donc surtout les raisons de non-consommation telles que je l'ai déjà développées. Donc ces trois, en fait, éléments de données brutes nous permettent de dégager un certain nombre d'observations statistiques. Je vais les regrouper en fait en deux types d'informations statistiques. Il y a celles que j'appellerais les informations structurelles et qui portent précisément sur le poids de variables dans le choix des consommations et qui vont permettre de montrer finalement l'existence pour les personnes de plus de 60 ans de différenciations sociales fortes. Alors dans ce paquet d'informations structurelles, je vais en retenir plusieurs. Premier point, c'est indépendamment de facteurs sociaux, les personnes âgées, ce qu'on observe sur toutes les enquêtes, elles mangent essentiellement des produits frais. Ça, c'est un point important, les pains, légumes frais, de la viande, des produits laitiers. Donc elles sont très peu consommatrices de produits élaborés, tels que les plats préparés, les produits en conserve, les pizzas, les sandwichs. Et quand bien même elles vont évoluer en âge et donc se trouver confrontées à des problèmes de dépendance, même dans ce cas-là, les produits préparés ne sont pas dominants dans les paniers alimentaires. Deuxième type d'information qu'on dégage, c'est que les personnes âgées, évidemment, ne constituent pas un groupe homogène. Et en gros, il y a deux facteurs sociaux qu'on voit de manière récurrente dans les enquêtes, qui permettent de différencier finalement les consommations alimentaires. Il y a l'appartenance sociale et la région. C'est vraiment les deux critères, les deux variables, facteurs qui agissent sur l'alimentation des personnes âgées. Et donc là, en fait, on retrouve finalement, disons, des résultats assez classiques de la sociologie de la consommation. Troisième facteur, type de résultat, donc ça c'est important, c'est la diversité alimentaire augmente quand on s'élève dans l'échelle sociale. Et lorsqu'on observe donc des quantités achetées, on arrive à opposer finalement un clivage entre les ouvriers qui seraient faibles consommateurs de produits frais et les classes supérieures plutôt surconsommatrices. Et on a un second clivage qui va isoler finalement les agriculteurs et les commerçants, hein, donc qui ont une alimentation, un régime alimentaire qui davantage comporte de matières grasses, moins de produits préparés, de légumes frais. Et là-dedans, en fait, il y a un biais. Ça, c'est important. Donc, plus de matières grasses et moins de produits frais. Oui, mais alors en fait, là, il y a un biais. C'est-à-dire que si on considère que, en gros, je vais résumer très vite, dans les catégories populaires, ouvriers, employés, etc., et même chez les artisans, agriculteurs, etc., en termes de panier acheté, on voit qu'il y a moins de produits frais. Donc là, il y a un biais, en fait, statistique. Parce qu'il les cultive. Et voilà, c'est-à-dire que le grand coup classique, c'est que c'est les populations qui sont surconsommatrices de jardins potagers. Et alors là où c'est vraiment intéressant, c'est que non seulement dans ces enquêtes-là, et notamment dans Compalimage, sur les 3800 individus, on en a plus de la moitié qui ont un jardin potager, indépendamment en plus de la CSP. Donc c'est pour ça, tout à l'heure, je vais vous en reparler du jardin potager quand on va aborder la question du déménagement. Et donc là, effectivement, on a un biais, c'est-à-dire que c'est des populations qui n'achètent pas de produits frais, et en l'occurrence de fruits et légumes, et par contre qui utilisent en autoconsommation, en autoproduction, énormément de produits frais issus, entre autres, du jardin potager. Et quatrième point important, c'est plus la personne âgée diversifie les lieux d'achat, plus son panier alimentaire est diversifié et riche en produits frais. Plus je vais dans les petits magasins, en quelque sorte, plus je diversifie mon panier, plus j'ai de produits frais. Alors, parmi ces résultats, on retrouve en fait certains, je dirais, rapports classiques de la sociologie de la consommation, donc, qui ont été dégagés par... Donc il y a Nicolas Herpin, il y a Bernard Prel, il y a Louis Chauvel, entre autres. qui montre le lien étroit entre appartenance sociale, classe sociale, génération, sexe et différenciation des consommations. Et là, on le voit bien au niveau de l'alimentation. Et on va surtout retenir cette idée d'un marqueur régional extrêmement fort pour les plus de 60 ans. C'est-à-dire qu'on arrive vraiment à repérer l'importance du facteur région dans les types de consommation alimentaire pour les générations de plus de 60 ans. Et ça, c'est un point sur lequel j'insiste toujours, parce que quand je vais aborder la question du déménagement, vous allez voir comment cette question de l'alimentation régionale, elle est un facteur important. Et enfin, sur ce premier paquet de résultats, deuxième point important, donc il y a cette idée de la région, mais le deuxième point important, c'est la question des modes d'approvisionnement, puisqu'on voit bien déjà statistiquement comment les types d'approvisionnement ont un impact direct sur le contenu même de l'alimentation. Ensuite, deuxième type d'information, ce que j'appelle des informations dynamiques. Alors, c'est peut-être... Enfin, le terme en soi n'est pas très bon, mais bon. En tout cas, il permet de mettre à jour, statistiquement, on repère des facteurs qui conduisent à transformer des régimes alimentaires ou pour le moins à montrer des différences à partir du moment où on intègre des facteurs susceptibles d'être de transformés. Donc je pense notamment à des événements biographiques. Le premier facteur qu'on repère de manière significative, c'est tout ce qui a trait à la délégation alimentaire. Donc ça, c'est ce qu'ils avaient déjà montré sur la première enquête Health-Sense et qu'on a retrouvé, notamment dans l'enquête Compalimage et certainement qu'on va retrouver également sur l'enquête Alizé-Soit. Alors, délégation alimentaire, c'est-à-dire il y a un certain nombre d'activités liées à la consommation alimentaire que je ne peux plus faire. Donc, par exemple, mes courses. Je ne peux plus les faire, donc c'est quelqu'un d'autre qui va les faire. Ça peut être mon mari ou ma femme, ça peut être un enfant, ou ça peut être une aide à domicile, ou c'est rien, une assistante sociale. C'est-à-dire, voilà, la délégation, c'est cette idée qu'à un moment donné, il y a des activités que je ne peux plus faire. Ça peut même être carrément la cuisine. Ou ça peut être, je n'arrive plus, par exemple, à éplucher mes pommes de terre, mon aide à domicile. Et là, c'est elle qui se charge de faire les plus. Hein, et moi après, c'est quand même moi qui ai fait ma popote. Ou des situations où je n'arrive même plus du tout à cuisiner. Et donc dans ce cas-là, je vais déléguer. Donc ça c'est vraiment important, parce que statistiquement, on mesure bien cette question de la délégation alimentaire. Et là, on rentre vraiment dans la problématique de la dépendance, c'est-à-dire la question du vieillissement, moi qui m'intéresse. Donc pour résumer, ça, statistiquement, on voit que la délégation de l'approvisionnement alimentaire augmente avec l'âge. Donc, plus on vieillit, plus on délègue. A priori, ça pas évident. Mais on observe quand même un effet lié à la CSP qui est extrêmement fort, parce que la délégation alimentaire se fait d'autant plus tard qu'on monte finalement dans l'échelle sociale. Et d'autre part, ce qui est très important, et là j'insiste bien, c'est statistiquement et du point de vue des paniers alimentaires, la délégation alimentaire elle conduit à une baisse significative de la diversité alimentaire. C'est-à-dire plus on va déléguer, plus il y a une baisse. Mais, je dis bien mais, cette baisse, elle est encore plus forte à partir du moment où on délègue en dehors du groupe domestique, c'est-à-dire du foyer. Si on délègue à son mari ou son cousin qui habite, bref, avec un cohabitant, on maintient cette diversité alimentaire, alors que dès qu'on la délègue à quelqu'un qui n'appartient pas, en tout cas statistiquement, on voit qu'il y a une diminution, une perte de la délégation alimentaire. Donc là aussi, on voit bien... Il y a l'intérêt par la suite que ça va nous donner en travaillant sur la question des parcours de vie. Puisque dans la question des parcours de vie, on va voir à qui on va donner, quel tiers, à quel moment il va intervenir et à quel moment dans le parcours de vie ça va intervenir. Deuxième type de facteur d'évolution, donc premièrement délégation alimentaire, le deuxième qu'on arrive à voir statistiquement, c'est ce qui a trait au veuvage. Pas directement abordé statistiquement comme événement, mais parce que quand on prend le statut matrimonial comme variable, on voit bien comment, entre situation de couple et situation de veuvage, il y a une perte significative de la diversité. On voit un écart extrêmement important. Et là derrière, on intègre une deuxième variable qui marche très bien, c'est la variable sexe, évidemment, puisqu'en gros, cette baisse de la diversité liée au veuvage est extrêmement forte dans le cadre d'élevage homme. Ça paraît quasi évident. Donc là, il y a vraiment la variable sexe qui est extrêmement importante. Donc a priori, ça paraît logique, parce que ces générations-là, c'est quand même globalement les femmes qui s'occupent de l'alimentation. J'y reviendrai aussi. Alors, l'intérêt de ce second type de données est qu'il montre finalement tout l'intérêt d'intégrer une lecture un petit peu dynamique liée au vieillissement et l'importance d'événements qui peuvent venir, à un moment donné, transformer, chambouler, donc événements biographiques, les évolutions alimentaires. Alors, à partir de là, il y a un cadrage théorique qui s'impose et donc là, je vais faire en fait une sorte de retour sur investissement, c'est-à-dire que par rapport au débat initial que j'avais annoncé là, entre ces deux thèses, en gros, je vais résumer l'individualisation des pratiques ou le maintien de la différenciation sociale, il va sans dire que dans mon travail, je me situe quand même plutôt du côté, évidemment, la question de la différenciation sociale, parce que bon, ça fait sens ça, statistiquement, mais alors ce qui est intéressant, c'est que ça fait sens qualitativement. Je vais y revenir tout à l'heure, mais en fait, je donne souvent cet exemple, c'est-à-dire que si on cuisine du blanc de poulet chez une personne veuve femme d'une catégorie sociale supérieure et une femme des catégories populaires, elles mangent toutes les deux un blanc de poulet, mais elles ne vont pas le cuisiner de la même façon. Et là, on arrive à repérer des spécificités liées à des positions de classe. Ça aussi, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, ça paraît un peu toujours un peu caricatural, et pourtant, c'est des choses que j'arrive à voir en pile. Bon, j'y reviendrai aussi. Et donc, du coup, je m'inscris dans le débat annoncé en intro, du côté de la différenciation sociale, et à partir de là, je vais même aller plus loin, parce qu'en fait, je voudrais rappeler simplement que toute cette sociologie de la consommation, donc, en termes de différenciation sociale, elle s'inscrit dans la filiation donc, du grand précurseur, la problématique des consommations, qui est Maurice Halifax, parce que lui est le premier à avoir posé l'hypothèse qu'il faut traiter la consommation en termes de fait social, donc, c'est-à-dire qu'elle implique évidemment la question de la différenciation. Mais surtout, ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'il aborde la question de l'alimentation, enfin non, de la consommation pour être précis, sous l'angle de l'intégration sociale. Et donc, il postule, et tout son travail a postulé, qu'il y a un différentiel d'intégration des classes sociales en fonction des modes de consommation. Ça, c'est un grand classique, c'est Bourdieu qui a repris tout ça derrière, il y a les Baudelot, les Establés, puis les Grignons, etc. Donc, c'est important parce que cette question de l'intégration sociale via la consommation et donc via l'alimentation, évidemment, elle va se poser dans le cadre des personnes âgées, et notamment à partir du moment où il perd des capacités à prendre en charge ces pratiques d'alimentation. Et donc, ce qu'on voit bien à travers les travaux d'Alvax, c'est cette idée au fond que je vais quand même la rappeler vite fait, quoi. C'est-à-dire que pour comprendre la différence des pratiques de consommation, en particulier des pratiques d'alimentation, la variable revenu n'est pas du tout suffisante, et que lui, il va parler en fait finalement de l'histoire des modes de vie. Donc c'est la fameuse différence qu'il fait entre des ouvriers et des employés, puisque en travaillant sur les budgets, il montre comment à revenu et budget identiques, ouvriers et employés ne consomment pas du tout de la même façon. Donc c'est à partir de là qu'il postule cette idée que le budget, en tout cas la dimension économique, ne peut pas expliquer ces différences de consommation, et donc il va renvoyer tout ça d'une manière plus globale à la question des modes de vie. Donc je vais même rappeler comme ça ce que dit Baudelot et Establet. En matière de consommation, les différences de classe l'emportent sur les écarts de revenus. Donc là, ils vont même encore plus loin, ce qui montre bien que finalement, ce n'est pas tant les écarts de revenus qui sont en jeu que le fait qu'il y a des véritables différences de classe qui sont à comprendre en termes de mode de vie. Et donc moi, je vais m'enfiler sur cette idée des modes de vie en les abordant en termes de parcours de vie. Et pour montrer en fait, quand je reprendrai des exemples tout à l'heure, de montrer en fait comment on arrive à expliquer l'impact d'événements biographiques sur l'alimentation en l'intégrant dans un parcours de vie biographique et l'histoire de vie. Alors, à partir de là, il faut mettre des limites à l'approche quantitative, c'est-à-dire qu'il y a plein de problèmes méthodologiques qui se posent, que je vais en fait essayer de souligner très très rapidement. Premier constat, c'est que les enquêtes quantitatives portent sur les paniers alimentaires, c'est-à-dire en gros, elles portent sur ce qui est acheté, ou alors elles portent sur les produits consommés. Mais indépendamment du type d'entrée, donc panier ou produit consommé, soit la personne référencée est un individu qui renvoie à sa propre consommation, soit l'individu qui est référencé renvoie à la consommation du groupe domestique. Et donc là, on voit bien en fait comment statistiquement, ce qu'on mesure, c'est soit ce qu'on consomme un individu, soit ce que consomme un groupe domestique. Mais on ne peut absolument pas saisir... Consommation, tu veux dire manger ? Oui, enfin alimentation, pardon. On ne peut pas du tout saisir s'il existerait à l'intérieur d'un foyer des différences de consommation en fonction des membres qui vont composer ce foyer. Et en fait, empiriquement, on le repère de manière très significative. Donc on n'arrive pas à distinguer ce qui relèverait de différenciation au sein du même groupe domestique. Et puis deuxième type de critique qu'on pourrait formuler, c'est que là, une fois encore, on ne peut pas statistiquement vraiment distinguer ce qui relève de ce qui est acheté de ce qui relève de ce qui est consommé. Alors tout ça m'amène finalement à raisonner sur la question de la constitution d'habitudes alimentaires. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que si on veut repérer des transformations, donc des évolutions alimentaires, il faut bien travailler sur quelque chose qui existerait, qui va se transformer. D'où la nécessité de travailler sur des habitudes alimentaires qu'on pourrait appeler familiales ou conjugales. Et donc, je suis amené finalement à développer un concept que j'appelle le nomos conjugal alimentaire. Et donc l'idée, c'est de partir de l'idée suivante, c'est que si l'alimentation des couples, hein, les cuisines, le goût, etc., elle renvoie à des styles de vie, à des représentations qui seraient propres à des groupes sociaux, eh bien finalement, tout ça résulte d'une socialisation. Je reprends le terme finalement de Berger et Kellner sur la socialisation secondaire par confrontation et échange entre des catégories d'appréhension du réel héritées de socialisation antérieure. Et donc c'est bien l'idée qu'il y a une confrontation entre des goûts et des habitudes dans la construction du couple qui vont finalement constituer des habitudes conjugales qui leur sont propres et qui vont dans certaines situations consister en une alimentation plus ou moins commune, et même parfois, il y a des plats qui sont différents, etc., etc. Donc ça, c'est un point important, parce que là, si je prends l'exemple du veuvage, ce que j'arrive vraiment bien à repérer au moment du veuvage, c'est comment les femmes, que leur mari est décédé, pardon, très rapidement, elles vont se réapproprier des habitudes alimentaires antérieures à leur mariage. Ça, c'est un truc extrêmement net. Alors, et en plus, empiriquement, j'arrive à l'analyser sur des types de plats extrêmement précis. Donc, tout ça parce qu'on voit bien en fait comment, avec le mariage, pour ces générations de femmes, le mariage a signifié dans la plupart des cas une adaptation des femmes à l'alimentation du mari, donc une appropriation de nouvelles habitudes alimentaires. J'ai des entretiens, j'ai des exemples absolument vraiment pertinents et très significatifs. Et au moment du veuvage, après une période où on est toujours un peu hésitant, etc., eh bien, on se réapproprie des pratiques alimentaires qui étaient antérieures avec le mariage. Alors pour les hommes, ça ne se pose pas du tout dans ces termes-là. Pour la simple et bonne raison, pour les hommes, il y a un problème, pour la majorité d'entre eux, il y a un problème en termes de savoir-faire. La plupart des hommes, c'est vrai ce que je dis, la plupart des hommes ont des savoir-faire alimentaires extrêmement limités. Donc c'est là qu'on arrive à voir déjà statistiquement. Comment ? Avait. Pour ces générations, non, je parle. C'est un petit clin d'œil. Ah d'accord, c'est un private joke. Private joke, oui. Et donc, bref, d'où l'intérêt vraiment de travailler sur cette idée du nomos conjugal alimentaire, parce que c'est là qu'on arrive à repérer les effets d'événements biographiques en termes de transformation alimentaire. Donc, pour résumer très rapidement, ce nomos alimentaire, en fait, j'arrive à voir les effets... Donc du sexe, je vous l'ai dit, du milieu d'origine, mais également, et c'est là, on verra ça tout à l'heure, le poids de la région d'origine de ses membres, et notamment pour des couples qui ont connu de la migration professionnelle. Je vous prendrai le cas tout à l'heure de gens nés dans le Finistère en bord de mer, qui sont mariés, qui ont passé 30 ou 40 ans de vie professionnelle à Paris, et qui reviennent dans le Finistère. Et là, vous allez voir ce que ça induit justement en termes de transformation alimentaire. Donc du coup, ça m'amène finalement à mon deuxième type de terrain. Quoi. Là, on a vu un peu le Cantil, on a fait une critique. Et donc le deuxième type de terrain, il va porter précisément donc, sur la question, donc, cette fois-ci qualitative, sur la question des événements biographiques dans les parcours de vie qui vont conduire à modifier, à transformer les pratiques alimentaires que j'aborde, vous l'avez compris, au regard du concept de nomos conjugal. Alors c'est important parce qu'il y a déjà beaucoup de travaux sur la consommation, et il y a notamment les travaux de Dominique Desjeux, qui donc sur les problématiques de la consommation en général, a montré le poids des événements biographiques comme événements déclencheurs de consommation. Donc lui, il montre bien comment il y a certains petits événements, paf, dans la vie comme ça, qui vont conduire à déclencher des nouvelles formes de consommation. Et donc, moi, je vais reprendre cette idée en partant de l'analyse des parcours de vie, enfin, là, en l'occurrence, c'est plutôt les parcours de vieillissement, mais intégrés sur les parcours de vie. Et là, j'essaye de repérer, à partir d'entretiens, je vais développer un petit peu tout ça, des événements qui peuvent conduire à modifier l'alimentation. Et donc ça amène finalement à réfléchir plus globalement encore à la question de la socialisation alimentaire familiale. Bon, je ne vais pas développer cette partie parce que ça serait, on irait sur des trucs un peu trop éloignés du parcours de vie. Donc c'est un deuxième type de terrain donc, qui s'inscrit dans une démarche qualitative. Et donc moi ce qui m'intéresse c'est d'étudier en fait ce que j'appelle l'expérience sociale du vieillissement, c'est-à-dire étudier le contexte de vie des personnes âgées et de le lire au regard de leur histoire de vie, de leur parcours de vie, et donc toujours pour faire le lien de ce que je disais tout à l'heure en introduction entre des histoires individuelles et aussi des histoires sociales, c'est-à-dire des contextes sociaux particuliers qui sont eux aussi évolutifs. Donc très rapidement, je précise la chose suivante, c'est que dans cette partie qualitative, les pratiques alimentaires sont étudiées ici à trois niveaux. Donc l'approvisionnement, les façons de cuisiner, les types de repas, c'est beaucoup plus approfondi que effectivement la démarche quantitative. Donc j'ai travaillé en fait pour être très précis à partir d'une enquête qualitative de type plutôt ethnographique, puisque j'ai travaillé sur donc, deux départements français, alors le Finistère et le Doubs. Parce que bah, voilà, statistiquement, on repère qu'ils sont vraiment caractérisés par des régimes alimentaires très différents, avec une place extrêmement importante pour tout ce qui est évidemment produit de la mer dans le Finistère, enfin, en tout cas sur la partie côtière. Sur ces deux départements, j'ai travaillé sur des zones urbaines et des zones rurales. Et dans le cas du Finistère, j'ai distingué quand même le bord de mer et l'intérieur des terres. Et à chaque fois, je me suis circonscrit vraiment sur des zones d'observation. Donc l'idée, c'était de faire des entretiens sur une même zone avec plusieurs personnes âgées pour avoir une idée plus globale à partir du repérage finalement des parents des lieux des commerces. Quoi. Comment dans chaque situation, eh bien, sur cette zone-là, on allait faire ses courses, on déléguait ses courses, etc. Donc, j'ai travaillé sur à peu près 80 situations de monographie conjugale, de personnes seules. Donc j'ai réalisé en fait des entretiens auprès de personnes qui vivaient seules ou en couple, parfois plus rarement avec un enfant. Et donc au moment de l'enquête qui avait démarré donc en fin 2005, disons 2006, et jusqu'à l'année dernière, c'est des personnes qui sont âgées entre 65 et 90 ans et évidemment de CSP très différentes. Pour résumer, je les ai regroupées en fait en trois catégories, parce que déjà statistiquement elles faisaient sens, donc ça permettait de faire le pendant entre des données plus générales et puis ces situations-là. Donc j'ai construit des catégories populaires qui regroupent ouvriers, employés. Ensuite, deuxième catégorie, ce que j'appelle donc les indépendants. Donc là, c'est les agriculteurs et les commerçants, parce que c'est les deux professions qui étaient le plus présentes dans l'enquête. Puis après, il y a tout ce qui est, j'appelle catégorie supérieure. Donc là, en fait, dans l'enquête Cali, c'était essentiellement des cadres. Et enfin, pour les personnes seules, ben, c'était soit des hommes, soit des femmes. Et alors évidemment, il y avait plus de femmes que d'hommes, mais ça, c'est lié à des raisons strictement démographiques, puisque les hommes seuls sont plus rares, ils meurent plus vite. Les hommes meurent plus vite que les femmes. Donc la majorité des gens rencontrés l'ont été via des services d'aide à domicile, donc c'est-à-dire des services qui prennent en charge des personnes âgées, mais je suis aussi passé par des associations type club du troisième âge, etc., etc. Donc j'avais en fait des personnes dites dépendantes, soit qui avaient des problèmes psychiques ou des problèmes physiques, mais également des personnes saines, enfin entre guillemets, qui n'avaient pas besoin d'avoir recours à un tiers, ou même à l'intérieur du couple, où les activités, la division sexuelle se maintenait. Quoi. Et bon, enfin, dernier élément quali, c'est que les entretiens ont été réalisés au domicile des personnes âgées. Et donc, c'est des entretiens qui intégraient en fait trois thématiques. Une première thématique portait sur la biographie, donc toute l'histoire de vie, de la naissance à la presque mort, avec essayer de repérer comme ça des étapes qui font sens pour les individus. La deuxième thématique portait vraiment sur tout ce qui relevait des pratiques alimentaires. Et puis, troisième thématique portait sur l'expérience du vieillissement aujourd'hui. En gros, la vie quotidienne, comment l'alimentation s'intègre à l'alimentation. Je précise aussi que j'ai pu travailler sur de l'observation à domicile, puisque dans beaucoup de cas, j'ai eu la possibilité de regarder les frigos, les placards. Est-ce que tu as eu des personnes qui étaient dans des maisons, où c'était exclu dans les habitats collectifs, les raisons pour Alors, je n'ai pas précisé, c'est que personnes à domicile, donc j'ai exclu tous les... Là, on est sur une nouvelle enquête sur maisons de retraite, foyers de logement et hôpitaux. D'accord. C'est vraiment... Des habitats collectifs, ouais, parce que ça n'a rien à voir. Non, c'est bon, ça. C'est complètement différent. Et donc, bref, en fait, l'observation du domicile, c'était très important parce que j'ai eu pas mal de situations. Typiquement, je cite toujours cet exemple, une femme qui se retrouve sans jambe, parce qu'elle a une grave maladie, une jambe, elle se retrouve en fauteuil roulant. Son mari refuse de participer à quoi que ce soit, hein, même pas faire les courses, pas l'aider à faire l'alimentation, enfin à préparer à manger. Donc ça, c'est intéressant de voir comment elle, dans sa cuisine, elle va réadapter son univers. Et en fait, on voit bien comment elle cherche à maintenir leurs habitudes alimentaires, mais en même temps, il y a des contraintes matérielles. Donc ça va induire un certain nombre de transformations. Elle avait des trucs absolument incroyables, elle s'était inventé des espèce de bâton avec une pince au bout pour pouvoir récupérer les trucs qu'elle faisait tomber par terre. Enfin, il y a toute une imagination absolument incroyable sur ces micro-actions quotidiennes autour de l'alimentation. Et alors après, il reste quand même un problème phénoménal, c'est-à-dire que, ce que je vous disais en introduction, comment on fait pour appréhender l'alimentation. C'est-à-dire que si on fait un entretien en disant « bon alors, vous mangez quoi ?», ça ne marche pas du tout, quoi. Évident, mais c'est impossible. Autant dans les questionnaires, on est sur des listes alimentaires, tout est prédéfini, les gens y codent, nanana. Autant là, si on demande aux gens, alors vous mangez quoi, et puis vous faites vos courses. Donc là, j'ai inventé un outil qui marche bien, ce que j'appelle la liste alimentaire, enfin liste des repas. Donc quand j'ai fait des entretiens avec les personnes, à la fin, je leur demande si ils acceptent en fait. De remplir un carnet. Alors c'est pas un carnet, parce que je les laisse se débrouiller, c'est-à-dire je leur demande s'ils veulent bien pendant 15 jours avoir un espèce de journal de bord où ils notent tout ce qu'ils ont mangé toute la journée. Donc ils notent, j'ai pas pensé à vous en amener, j'en ai des piles, mais donc ils vont marquer, je sais pas, par exemple lundi 25 décembre, non ça c'était pas une bonne date, mais lundi 25 janvier matin pain plus beurre plus café, midi je sais pas moi, tarte bœuf bourguignon, vin, et puis café avec dessert. Donc bref, j'ai laissé se débrouiller. Et après, donc là, ils faisaient leur liste comme ils voulaient. Et après, au bout de 15 jours, je faisais un deuxième entretien, et on reprenait toute la liste. Et là, voilà, c'est-à-dire, c'est quoi, comment vous préparez, où c'est que vous avez acheté, etc. Et en fait, c'est un outil absolument fabuleux, parce que ça permet de reconstruire déjà toute la chaîne en partant de la liste, donc toutes les opérations, de la fabrication des plats, et remonter à la question de l'approvisionnement, comment ça s'organise, qui fait quoi, comment, etc., etc. Donc c'est une liste qui fonctionne très bien, donc c'est-à-dire qu'elle est prospective, parce qu'on va chercher dans le futur, enfin, on prospecte. Et en même temps, c'est un outil de rétrospectif. Parce que, absolument incroyable, c'est à partir de cette liste-là que les individus sont capables de dire que ce bœuf bourguignon-là, elles le font depuis qu'elles sont avec leur mari, mais qu'avant elles ne le faisaient pas parce qu'elles, elles faisaient ça, etc., etc. Donc, évidemment, il y a des problèmes. Après, on peut réinterroger les problèmes autour de la mémoire, mais ça, c'est un grand classique sur l'histoire de vie, sur la, le tri qu'on fait, mais quand même, c'est-à-dire qu'on est capable de me dire que je faisais comme ça avant, même certaines recettes que je faisais comme ça pour mon mari, bah avant je ne les ai pas comme ça, et depuis que mon mari est mort, et donc c'est un outil absolument génial, parce que en lui-même, déjà là, il est support de parcours biographique, c'est-à-dire qu'à travers ça, on arrive déjà à repérer des évolutions, des transformations, et donc ce qui est dingue, c'est que les gens sont capables de me dire ça, je le mange depuis mon séjour à l'hôpital. Voilà, ça j'ai appris à manger, ou ça je le mange plus parce que je suis allé à l'hôpital. Donc c'est-à-dire que les gens, ils ont la capacité, à partir de cette liste, de repérer très simplement des moments biographiques qui ont eu un impact sur ce qu'ils mangent, soit en termes de transformation ou d'élimination. Et alors, du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? S'il y a un truc important là. Et en fait, voilà, c'est-à-dire que du coup, ces façons, enfin, tout ça, comment dire, ce que j'arrive à observer à partir, voilà, de la liste, c'est des transformations que j'appréhende en termes de je l'avais super bien noté, j'arrive. Excusez-moi, j'ai un trou là dans la tête. Voilà, c'est là. Ça, en fait, c'était juste sous mes yeux. L'approche qualitative permet de montrer que les transformations alimentaires, et ça on ne peut pas le voir statistiquement, consistent alors, en une intégration ou en un rejet d'aliments, de façon de cuisiner, de séquences de repas, qui vont conduire soit à diversifier, soit à simplifier les repas. Les repas. Et donc ça, on arrive bien, à partir de la liste, on voit vraiment les aliments qui sont enlevés, ceux qui ne sont pas enlevés, notamment au moment du veuvage, on arrive vraiment à repérer. Et en plus, pourquoi je l'ai enlevé. Et alors après, ce qui est très intéressant, c'est que tout ça, là, c'est, tout ce que je viens de vous dire sur les transformations, on arrive à les repérer plus globalement en les inscrivant à la structure sociale des consommations. Et donc là, on voit bien les effets de la PCS et les effets du sexe. C'est ce que je disais tout à l'heure sur la consommation du poulet, par exemple, le blanc de poulet, parce que... les personnes veuves, le problème qu'elles ont, souvent, c'est ce qu'elles disent. J'ai perdu mon mari, je me suis mis à continuer à cuisiner les mêmes plats, sauf que c'était pour deux. Et alors j'en jetais la moitié. Donc je me suis dit, il faut que je cuisine plus que pour une personne. Donc le poulet que je faisais en entier avec mon mari, maintenant j'achète une cuisse ou un blanc de poulet. Donc ça, à la limite, c'est trans-CSP. Sauf qu'après, la façon dont je vais cuisiner, là on voit quand même des variations. C'est pas systématique, mais on en voit. Et alors en gros, j'ai repéré plusieurs, mais il y a quatre événements qui m'ont vraiment inspiré d'un point de vue biographique, parce qu'ils sont vraiment très nets en termes d'impact. Le premier, c'est la retraite. Le deuxième, c'est le déménagement, parce que parmi ma population des 80, j'en ai à peu près une trentaine qui ont connu, même plus que ça, 40, je crois, qui ont connu un déménagement à un moment dans le cycle de vie du vieillissement, enfin donc bien après la retraite. Troisième moment fort, c'est le veuvage. Et le quatrième événement fort, c'est l'arrivée de la maladie, qui va conduire à la prise en charge. Et donc ça, c'est important, parce que je distingue bien les individus qui sont porteurs d'une maladie qui est ancienne, qui était déjà peut-être même là avant la retraite, parce que déjà là, il y a déjà toute une organisation qui se fait au sein du couple, dans la prise en charge de la maladie d'un des deux conjoints, mais il y a des moments où, boum, il y a une maladie qui arrive. Et donc là, ça va bouleverser considérablement l'organisation du couple, etc. etc. Alors évidemment, tous ces événements-là, ce qui est intéressant, c'est que soit je peux les repérer de manière isolée dans des parcours, c'est-à-dire que je vois vraiment l'impact de la retraite, des fois c'est... Mais là, dans beaucoup de cas, ils sont imbriqués les uns aux autres, c'est-à-dire que la retraite et le déménagement, c'est un truc que je vais repérer. Veuvage et déménagement, c'est un truc que je repère. Veuvage et maladie, c'est aussi un truc que je peux repérer. Déménagement, maladie. Et donc après, ce qu'il faut arriver à bien comprendre, c'est comment en termes de cycle de vie, et donc du parcours de vie, en gros, c'est de l'œuf et de la poule, qu'est-ce qui conduit l'un à l'autre, quoi. Donc c'est ça que je vais vous Je vais vous prendre un cas, enfin vraiment une situation, enfin un événement précis pour vous montrer. Je suis dans les temps là où je dépasse. Là, il est le quart, un petit peu moins dans le quart. Vous gardez quand même une demi-heure pour la discussion. Ouais. Donc il te reste encore un quart. Ouais, voilà, c'est bon, je vais prendre un exemple que je voulais citer. Donc bref, il y a tous ces événements et ils sont en plus fortement imbriqués. Donc parcours de vie, je vais prendre en fait un exemple que j'ai traité, donc j'ai fait un article d'ailleurs avec ça, qui porte sur le déménagement de couple de retraités au moment de la retraite. Et donc là, j'ai travaillé sur une zone particulière, donc c'est en fait des gens qui ont emménagé dans une petite ville du littoral Finistère, qui ont emménagé sur la même zone de la ville. Et donc j'ai fait des entretiens avec ces gens-là. Donc en fait, en gros, ce que je voulais dire, c'est que c'est le terrain qui m'a amené finalement à cette question du déménagement. Donc là, l'idée, c'était de comparer des individus ayant emménagé sur un même espace géographique, à peu près en même temps, c'est-à-dire au moment de la retraite, et de comparer leur situation de vie et en même temps et leur parcours de vie. Donc là, j'ai comparé les parcours de vie. Donc c'est ça que je vais présenter en fait maintenant, pour en fait montrer l'intérêt de l'approche biographique. Alors, tous les couples que j'ai rencontrés là-bas, au moment de l'enquête, ils venaient quasiment de s'installer. Rencontrés dans le Finistère. Ouais. Et en fait, c'est des couples qui vont donc connaître une mobilité résidentielle, donc un déménagement donc après la retraite, à peu près entre 60 et 70 ans. C'est tous des couples donc, qui sont nés avant la guerre, et au moment de l'enquête, deux différentes CSP. Et donc, ils vont emménager sur cette fameuse commune du littoral finistérien. Moi, je n'ai pas du tout, à la cacher. J'ai un nom. Le nom de la commune, tu dis ? Oui, le nom de la commune, c'est... Ah. C'est pas important. Non, mais c'est inquiétant d'avoir des... T'inquiète pas. Il y a des aliments pour la mémoire. Comment ? Oui, pareil. Et donc la question que je me posais, c'était comment, dans le contexte de la mobilité résidentielle, les retraités vont-ils s'adapter à leur nouvelle situation en matière d'approvisionnement ? Parce qu'évidemment, en déménageant, je rappelle que déjà statistiquement, on voit bien le lien entre les modes, enfin, formes d'approvisionnement et consommation. Et du coup, donc, comment ils s'adaptent nouvel approvisionnement et qu'est-ce que ça va impliquer, quel impact ça va avoir sur les types de produits consommés. Et alors là-dessus, je précise tout de suite quelque chose, c'est que de fait, je me suis retrouvé directement confronté à la question du jardin potager, puisque la grande majorité avait un jardin potager ou avait eu un jardin potager. Et donc là aussi, c'est important puisque c'est un support d'apport en termes de produits frais. Et donc ce que j'ai étudié, c'est les types, la localisation des commerces, les modes d'approvisionnement, c'est-à-dire qui réalise les courses, les modes de déplacement. Et je m'intéresse également à la question de la délégation des courses à un tiers, lorsque certains couples sont confrontés à la nécessité de la délégation. Et donc ce que je vais arriver à voir, c'est l'impact des transformations des modes d'approvisionnement liés au contexte de la mobilité résidentielle sur le régime alimentaire de ces couples. Et là, je tiens à préciser qu'ils étaient habitués à consommer finalement des produits frais et très peu de produits transformés. Alors, ce qu'on voit dans cette enquête, c'est que finalement, la mobilité résidentielle après la retraite, elle prend sens en fait dans tout le parcours de vie et de l'histoire socio-professionnelle des couples des retraités que j'ai étudiés. Donc, du coup, j'ai abordé leur parcours de vie à la fois en termes de mobilité professionnelle, mais en termes de mobilité géographique. Et au final, j'ai dégagé deux types de couples de retraités donc, qui s'installent dans cette commune. en fonction, évidemment, de la CSP, puisque d'un côté, j'ai pu isoler des couples issus des classes populaires, des ouvriers, des employés et des professions indépendantes, et de l'autre côté, des couples issus des classes moyennes, intermédiaires, voire supérieures, et dont on va voir qu'en fait, la motivation à la mobilité résidentielle renvoie à des positions sociales et à des histoires de vie extrêmement différentes. Premièrement, si on regarde les couples issus des catégories populaires, donc ouvriers et employés, ils vont déménager en fait pour des raisons de santé et pour faire face précisément à des problèmes d'approvisionnement qui en découlaient. Et donc tous ces couples habitaient en zone rurale, donc des zones rurales extrêmement pauvres, voire totalement exemptes en commerce, donc qui étaient habitués à se déplacer et en particulier à se déplacer en voiture. Et au cours du processus de vieillissement, vont émerger des problèmes physiques, un mal de dos, des phlébites, qui vont rendre de plus en plus difficiles les déplacements, et donc vont les conduire par obligation à déménager. Et donc l'idée, là, on voit bien, c'est comment le déménagement est une réponse nécessaire à l'évolution physique, c'est-à-dire à l'émergence, en quelque sorte, d'une immobilité physique, qui conduit à éloigner en quelque sorte ces couples-là d'espaces ruraux complètement désertiques et à les amener en fait sur une zone, en l'occurrence une petite commune du littoral. Mais dotée de commerce alors. Dotée précisément de commerce. Donc l'objectif en quelque sorte, c'est de se rapprocher des commerces. Et donc là, l'idée, c'est de montrer finalement que ce déménagement est caractéristique d'une adaptation aux difficultés physiques émergentes et que c'est bien le changement d'habitat qui est envisagé comme solution. Et donc, c'est les couples pour lesquels je parle en fait d'une mobilité contrainte, puisque c'est bien les problèmes de santé qui vont en quelque sorte conduire à une mobilité géographique résidentielle comme réponse nécessaire à une immobilité physique. Et en fait, pourquoi ils vont se déplacer? Il y a deux raisons. Le premier objectif, c'est de se rapprocher d'une commune où il y a les commerces, c'est ce que tu viens de dire, d'une ville où il y a les soins à proximité, etc., etc. Donc là, on va chercher à se rapprocher d'un espace géographique dans lequel il y a un espace de commerce à proximité. Et donc le rapprochement vers les centres commerciaux et les services, il prend d'autant plus sens que les femmes, au moment du déménagement, souffraient, alors quasiment toutes, de problèmes de surpoids, de problèmes carrément d'obésité pour certaines, donc qui amplifiaient déjà les difficultés de déplacement. Et donc, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais alors là, ça se cumule des problèmes de vie, des problèmes d'arthrose, enfin bref, c'est un petit peu, donc il y a vraiment des problèmes physiques. Deuxième objectif, extrêmement intéressant, c'est que c'est un déménagement visant à se rapprocher de membres de la famille, c'est généralement un ou des enfants. Et on sait combien, pour ces générations-là, le réseau familial est extrêmement important dans l'aide qui peut être apportée aux personnes âgées. Et donc, ça, c'est en plus extrêmement marqué dans le cadre des couples des catégories populaires. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a toute une littérature qui montre l'importance dans les catégories populaires, donc des réseaux familiaux qui vont jouer comme support. Et donc, de fait, et ça, c'est très important, cette mobilité résidentielle, il faut raisonner en ces termes, c'est que c'est une mobilité résidentielle de proximité. C'est des gens qui, finalement, habitaient dans un rayon, dans des zones rurales qui étaient à 40-50 km autour de cette petite commune du Finistère. Par contre, à l'opposé, les couples issus des classes moyennes, donc intermédiaires, supérieures, eux, en fait, ils habitaient dans une immense ville. Et en fait, ils ne venaient pas du tout du Finistère, ils venaient d'ailleurs. Et pour la plupart d'entre eux, d'ailleurs, ils venaient de Paris, de la région parisienne. Et en fait, ils vont emménager au moment de leur retraite, c'est très mal dit, ils vont emménager au moment de leur retraite dans la petite commune étudiée. Et donc là, en fait, ce que je vois, c'est que c'est vraiment ce qu'on appelle typiquement en démographie une mobilité de retour. Donc là, je reprends la terminologie des démographes. Donc, il s'agit en fait de couples dont au moins l'un des deux conjoints était originaire de la commune. Ils vont en fait migrer pour des raisons professionnelles en région parisienne. Et donc, ce qui qui est extrêmement intéressant, c'est que cette première mobilité géographique, hein, quand ils sont jeunes, quoi, en fait, hein, elle se couple d'une mobilité sociale ascendante. Parce que tous étaient issus de catégories plus ou moins populaires, notamment des métiers de la pêche. La plupart avaient des parents qui étaient salariés sur les bateaux de pêche. Et paf, ils vont connaître en fait une mobilité. Alors bon, je ne rentre pas trop dans le détail. Et en définitive, ce qu'on voit bien, c'est que là, il y a une mobilité sociale ascendante liée à une mobilité géographique et surtout une mobilité professionnelle, puisqu'on va quitter le Finistère, s'installer à Paris, etc. etc. Et donc, ce qui est important, c'est qu'au moment où ils vont déménager, en gros, s'installer dans la commune en même temps que les autres, bah, eux, ils n'ont aucun problème physique, ils souffrent de rien, ils sont en pleine forme, ils ont le même âge, et en définitive, qu'est-ce que c'est que cette situation de retour, eh ben en fait, ce qu'on veut, c'est, on recherche, alors là, je cite, une meilleure qualité de vie en bord de mer, loin de la grande ville, quitter ses lieux de travail, quitter la vie parisienne étouffante, etc., etc. Et donc, finalement, la mobilité résidentielle ici, elle vise tout simplement à améliorer le confort de vie qui s'inscrit dans un parcours de vie caractérisé par la mobilité sociale, professionnelle, ascendante. Donc, c'est pour ça que là, je parle, en fait, d'une mobilité élective. Leur mobilité géographique marque une rupture avec la surmobilité physique parisienne. Parce que là, c'est pareil, le recours à l'histoire de vie montre vraiment comme ça des périodes de leur histoire complètement en opposition entre une vie parisienne extrêmement mouvante, etc., et leur vie sur le bord de mer où là on vient se reposer, etc. Donc en définitive, si la retraite comme événement biographique marque le moment choisi par les couples issus des classes moyennes pour déménager, c'est pas du tout le même cas pour les couples des classes populaires, vous l'avez compris, puisque c'est davantage la précocité des problèmes de santé dans le parcours biographique, plus marqué chez les classes populaires, qui va déterminer le choix du déménagement au moment de la retraite. Et donc, la mobilité résidentielle n'a pas la même signification selon le parcours biographique des couples retraités, puisque là, en fait, ce qu'on observe vraiment, c'est les effets de la CSP, mais surtout tout ce qui est lié aux effets des inégalités sociales de santé. Et alors, ça, c'est important parce que, en fait, la plupart des travaux des démographes qui travaillent sur les parcours de vie, donc il y a beaucoup de choses qui sont faites, la plupart du temps, ce qu'ils arrivent à repérer, c'est l'impact de l'âge sur le parcours de vie. C'est-à-dire qu'ils vont repérer des périodes dans l'âge, dans le cycle de vie, donc de vieillissement, au cours desquelles on va avoir des déménagements. D'accord ? Donc on va dire, voilà, on déménage au moment de la retraite, ou on peut déménager plus tard, par exemple, au moment du veuvage. Mais là, en fait, ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas les effets liés à l'âge qui sont importants, c'est que ce déménagement à âge égal, il renvoie à d'autres effets qui sont les effets de la CSP. Et là, c'est bien en comparant, finalement, des parcours de vie, donc on voit bien comment la comparaison des parcours de vie, elle permet de mettre à jour, là, en l'occurrence, bon, voilà, c'est le cas, mais des effets de la CSP, et donc des inégalités de santé sur les individus et donc sur leur alimentation. Alors du coup, une fois qu'on a planté le décor, là, c'est-à-dire qu'on voit bien la mise en relation entre parcours de vie et contexte social, qu'est-ce que ça va impliquer sur l'alimentation? Je ne sais pas si j'ai le temps. Ce qui peut le faire en 3 minutes, d'accord, ouais, c'est bon. Alors ça va aller très vite. Si je prends les personnes âgées en mobilité contrainte, c'est-à-dire les personnes âgées en situation des catégories populaires. Je rappelle que l'idée, c'est je déménage et je vais me rapprocher de quartiers où il y a des commerces. La question qui se pose, c'est comment je m'adapte à mon nouvel espace. Et donc, ce qui est important de savoir, c'est que dans la plupart des cas, tous ces gens-là, en milieu rural, avant la retraite, avaient un jardin potager, donc cultivaient des fruits et des légumes. Au moment du déménagement, évidemment, on arrête la production de fruits et légumes. Et donc, toute la question qui va se poser pour eux, c'est de savoir comment je peux maintenir mon régime alimentaire dans un contexte de mobilité lié à une dépendance physique croissante, liée à des problèmes de santé. Qu'est-ce que je vais pouvoir finalement mobiliser comme ressources pour répondre à ma volonté de maintenir mon alimentation et mon régime alimentaire conjugal. Donc très rapidement, j'ai dégagé trois configurations, ce que j'appelle des configurations de compensation par rapport à cette perte. Premier cas, très rapidement, je vais réussir à mobiliser finalement mon réseau familial. et en particulier mon réseau familial descendant, parce que dans certains cas, leurs enfants eux-mêmes ont un jardin potager. Donc je vais pouvoir bénéficier de ça, entre autres. Et donc là, c'est un effet de compensation qui est lié finalement à un circuit d'échange intrafamilial. Deuxième, je vais très très vite, parce qu'il faut que je rende les chevaux. Deuxième type de configuration de compensation, ça c'est les situations que j'ai appelées proches des commerces, loin des enfants. Là, c'est qu'en fait, je cherche quand même à me rapprocher de mes enfants, mais je me suis retrouvé dans cette commune parce que je n'ai pas eu le choix. En fait, je voulais aller à la commune qui est à 30 km, c'était vers mes enfants, mais je n'ai pas pu, pour des raisons liées au logement, etc. Donc là non plus, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je suis bien proche des commerces, mais loin de mes enfants. Et donc là, on va mobiliser d'autres choses, notamment tout ce qui est aide, intervention à domicile. Ça va avoir un autre type d'impact sur l'alimentation. Là aussi, je ne rentre pas dans le détail. Et troisième type, alors là, je suis loin de tout, puisque finalement, je n'ai pas réussi tant que ça à me rapprocher de mes enfants. C'est le cas numéro 2. Mais en même temps, je n'ai pas réussi dans la ville à me rapprocher finalement tant que ça de commerce, et je me retrouve dans une zone qui est plus ou moins éloignée de commerce. Donc là aussi, ça va avoir un certain nombre d'impacts sur l'alimentation. Je ne vais pas rentrer non plus dans le détail. Et donc, pour conclure sur cette situation, on peut dire la chose suivante, c'est que si le déménagement des couples en milieu populaire a conduit à modifier l'approvisionnement, le maintien ou non des produits consommés dans leur régime dépend bien des conditions de relogement, c'est-à-dire des possibilités des couples dans le choix d'un nouveau logement, à trouver un juste équilibre entre proximité des commerces, proximité des enfants et surtout positionnement sur le marché immobilier. Donc là, ça c'était un des indicateurs clés qui explique notamment la deuxième situation, la troisième, où ils sont arrivés à ne pas trouver la place idéale sur le marché immobilier. Les modifications de l'approvisionnement dans le contexte de la mobilité résidentielle, pardon, ont conduit donc pour la majorité à la fin de l'activité d'autoproduction et un investissement plus ou moins réussi dans les réseaux familiaux. Et globalement, on observe une tendance à la diminution, voire à une perte de la variété, la fraîcheur des produits, notamment des légumes. Bon, en gros, voilà. Et deuxième type de mobilité, donc les mobilités électives des catégories supérieures. Alors eux, alors là, c'est l'inverse. C'était très intéressant. Je suis même allé faire du bateau avec eux, puisque ces gens-là, donc, ils vont venir s'installer, et alors eux, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'ils viennent d'une région, je vous l'ai dit, hein, citadine, donc monde urbain, ils vont en fait s'installer, et alors là, ils vont développer des nouvelles activités d'autoconsommation. Ils développent du jardin potager, ils vont faire de la pêche à pied en bord de mer, certains vont même acheter un bateau, voire continuer à faire du bateau avec des amis qu'ils avaient conservés sur place et auprès desquels ils ont continué à avoir des liens pendant toute leur vie, puisqu'ils revenaient toutes les vacances, donc ils avaient déjà un réseau de sociabilité extrêmement important, et eux, ils vont développer la pêche en mer, et donc ils développent, à l'inverse, une autoconsommation extrêmement importante, donc là non plus, j'ai pas trop, donc à la fois jardin potager, mais toutes les activités de pêche autour de tout ce qui est fruits de mer, poissons, etc. Et donc ce deuxième élément est extrêmement important, parce que du coup, toutes les activités autour de la pêche, en fait, permettent de maintenir des réseaux de sociabilité extra-familiaux extrêmement importants, sachant que dans la majeure partie des cas, ces gens-là, leurs enfants, ne sont pas sur place. Et donc là, on voit bien aussi comment la mobilité résidentielle, liée à tout leur parcours de vie, elle va quand même poser au final un certain nombre de problèmes, puisque leurs enfants habitent Paris, et qu'eux, à un moment donné, ils seront confrontés à des problèmes de dépendance, ils ne pourront pas faire appel éventuellement à leurs réseaux familiaux, en l'occurrence, à leurs enfants. Donc là, on voit bien, c'était juste ça, sur en termes de régime alimentaire, comment la mobilité résidentielle qui répond à un parcours de vie, hein, c'est-à-dire dont l'origine commence en Finistère, passe par Paris et on revient en Finistère, elle va conduire à une évolution des pratiques alimentaires qui suivent la mobilité géographique, puisque quand je vais à Paris, il y en a une qui raconte très bien l'apprentissage des nouveaux plats qu'elle doit avoir, notamment parce que son mari travaille au ministère, excusez-moi. Elle va apprendre, alors elle raconte des trucs absolument extraordinaires, elle apprend à cuisiner le civet, elle raconte une anecdote avec Giscard d'Estaing qui les a invités, elle va découvrir la cuisine à partir des fruits rouges groseilles, enfin bon. Donc tout un nouvel univers de cuisine, et quand elle revient au pays, finalement, entre guillemets, elle perd ce type de régime alimentaire pour réapproprier une alimentation beaucoup plus locale qui est en fait antérieure à la mobilité géographique et professionnelle de leurs 20, quand ils avaient 20-25 ans. Donc là, ce qu'on voit bien au final, c'est comment la mobilité résidentielle conduit effectivement à transformer l'alimentation et le régime de ces couples, mais ils ne prennent sens qu'au regard de leur parcours de vie et d'un contexte social particulier qui est entretenu, là en l'occurrence, qui est lié à la CSP et donc plus globalement à la question des inégalités de santé. Voilà, je vais arrêter là. Je voulais prendre cet exemple parce que je trouvais qu'il permettait un peu de faire le pendant entre. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail sur le contenu alimentaire, mais rural-urbain, je trouvais que là, on pourra rentrer dans le détail. Dans les questions, Même sur les produits consommés, etc. Bon, voilà, je vais finir en fait.